Le héros de Forzheim aimait assez la cousine bête, car il se trouvait entre eux des ressemblances. Sans éducation, sorti du peuple, son courage avait été l'unique artisan de sa fortune militaire, et son bon sens lui tenait lieu d'esprit. Plein d'honneur, les mains pures, il finissait radieusement sa belle vie au milieu de cette famille où se trouvaient toutes ses affections sans soupçonner les égarements encore secrets de son frère. Nul plus que lui ne jouissait du beau spectacle de cette réunion où jamais il ne s'élevait le moindre sujet de discorde, où frères et sœurs s'aimaient également, car Célestine avait été considérée aussitôt comme de la famille. Aussi le brave petit comte Hulot demandait-il, de temps en temps, pourquoi le père Crevel ne venait pas. « Mon père est à la campagne !» lui criait Célestine. Cette fois, on lui dit que l'ancien parfumeur voyageait. Cette union si vraie de sa famille fit penser à Madame Hulot « Voilà le plus sûr des bonheurs, et celui-là, qui pourrait nous l'ôter ?» En voyant sa favorite, Adeline, l'objet des attentions du baron, le général en plaisanta si bien que le baron, craignant le ridicule, reporta sa galanterie sur sa belle-fille, qui dans ses dîners de famille était toujours l'objet de ses flatteries et de ses soins, car il espérait par elle ramener le père Crevel et lui faire abjurer tout ressentiment. Quiconque eût vu cet intérieur de famille aurait eu de la peine à croire que le père était aux abois, la mère au désespoir, le fils au dernier degré de l'inquiétude sur l'avenir de son père, et la fille occupée à voler un amoureux à sa cousine.